que je t'assure, tu prends le gong comme ça, tu tapes et tu reviens en arrière. C'est dingue. Bon, écoute, là, je dois y aller, mais t'as mon numéro. Pas de souci, ouais. Tu m'appelles ? Moi, je t'appelle. Un beignet ? Non, merci, j'ai pas l'argent. C'est la maison qui offre. Ça avait l'air d'avoir du succès avec les femmes. Oui, ça va, mais uniquement avec les top modèles. Comment vous faites ? Tu leur dis ça va le faire, et si ça le fait pas, tu passes à une autre. Il va falloir changer votre manière de voir les choses. Ah bon ? Faire des en pleine action, c'est ça qui est bon. Ça va le faire.